Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Juste un gamer. Alpha. Tanuka. Et Reviewer CE. Pour le podcast des Acros, nous sommes l'édition du 15 octobre 2013. Salut tout le monde, comment ça va? CE est là une deuxième fois d'affilée. Ah, ça mérite vraiment là, des félicitations. C'est la deuxième. Bravo, bravo. Yeah. Merci, merci, merci. J'ai déjà dit que CE ne serait pas là deux semaines d'affilée, puis si ça arriverait, il est pas l'aurait des dents. Et je suis juste venu pour te prouver le contraire. Non, justement, ouais. J'ai trouvé une poule qui avait des dents hier, fait que je pense que oui, on est vraiment dans la merde. Non, non, mais la morale de cette histoire, Ben, c'est qu'il faut que tu lui dises à chaque fin de podcast, on se revoit dans deux semaines, comme ça il va se sentir obligé de revenir juste pour te prouver que t'as tort, fait que là on va l'avoir à trois semaines. Ah, ouais, ok, je vais faire ça. Ouais, du moins on va le tester. On va mettre ça à l'épreuve. Ouais, on va faire des expérimentations sur CE là-dessus. Comment ça va, la gang? Ça va bien. Super. Ça va pas pire. Qu'est-ce que vous jouez ces temps-ci? Je joue pas, je fais du montage. À part de Project Crowdzone, je peux déclarer que je joue à Injustice. Ah ouais, c'est correct, c'est bien bon ce jeu-là. Chanceux, ouais, je le veux. Moi, je l'ai eu pour 30$. Je vais attendre la version Game of the Year, par exemple. Il sort dans deux semaines. En plus. Mm-hmm. À peu près dans deux semaines. Avec tous les downloads inclus. Fait que c'est... Pour ça, pendant 70$. Ah ouais. Oh. Ouais. C'est ça, okay. C'est le petit turn-off, c'est que tu... Il pèse de plus que l'original, mais au moins, au lieu de payer 25$ pour les 5 dans l'autre, t'en payes juste 10. Ouais. Ouais. Non, parce que pas tous les personnages dans l'autre qui sont intéressants, en fait. Toi, CE, à quoi tu joues ces temps-ci? Pas mal la même chose la semaine passée. Un peu de Project Crosszone. Castlevania Adventures que j'ai loadé sur 3DS pour, je pense, 3$. Qui est un jeu correct pour Game Boy, mais c'est... Aide-toi avec ta fesse! Vomis! Vomis! Ok, c'est... voici la règle. On ne parle pas de ce Castlevania ici. Ouais, ça équivaut pas au premier, c'est sûr, ça équivaut pas au deuxième, troisième, mais... Ça équivaut à rien! Game Boy, c'est... c'est jouable, là. Et en ce moment, les yeux de Sylvain sont très, très, très interrogeurs. Si vous voulez m'entendre sacré, puis pour moi, me voir pitcher un Game Boy, c'est le jeu qu'il faut. Hein. Ah... Ben, comparé au jeu que tu as, écoute, j'ai posté une vidéo de toi en fin de semaine où je dédie cette photo-là à ton portefeuille, Jug, parce que oui, ton portefeuille est décédé en fin de semaine passée. À cause de quoi? À cause de ça! Calendars. Calendars Workforce. Mais il est très bon le jeu, sérieux. Et ça surpasse carrément les deux premiers. Oh my god, nice. Je ne connais pas. Et de beaucoup, à part ça. Et toi, Tanuka? Moi, qu'est-ce que je joue? Ouais, est-ce que tu as le temps pour jouer? Ben, en fait, en fin de semaine, j'ai fait un party avec mes amis à thématique de Zelda. Fait que, on a joué à Zelda en masse, puis on a joué à Smash aussi, Melee. Pas Brawl, parce que Melee est meilleur. Puis c'est pas mal ça. Melee contre Brawl, lequel qui est meilleur? Melee, en compétition, voilà. Ils utilisent toujours Melee, même pas Brawl, par exemple. Je trouve que la physique est bien meilleure que dans Brawl, là. Personnellement. Sérieux? Ça fait quasiment 5 ans que j'ai pas touché à Melee. Faudrait que je m'y remette. Ah non, faux! J'ai joué avec Alpha. Et il semble qu'Alpha est pas un très grand joueur de Smash dans la vie. Mais il a joué... Non, c'était... ouais, pas la Récréatech, comment ça s'appelle? La Récréation? Oui, récréation, c'est ça, oui, c'est vrai, oui. On a joué là. Ah. C'est vrai. Ouais, puis après la game qu'il a perdu, il a fait comme « Non, je joue plus à ça. » Oh! Mauvais perdant. Non, j'ai juste pas de fun. Je me fais décalisser à tous les jours. Ben, c'est sûr qu'il faut jouer avec du monde d'un autre calibre, sinon c'est pas le fun de faire tout, là. Dis de même, t'sais. Mais là, moi-même, je suis pas super bonne, mais quand je joue quelqu'un de plus poche que moi, de meilleur que moi, tu peux rien faire, c'est comme plat. Bref, là, testeur, faut que tu joues avec du monde qui est vraiment, mais crissement, mais tabarnakement poche. Oh, t'es chien. Pas fin, là. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup joué à Mass Effect 3. J'ai pas mal avancé ma game. Puis sinon, ben, je suis un petit peu comme Tanuka. Je continue ma game de Zelda Oracle of Age. Ouais, j'ai vraiment du fun. T'as-tu essayé le password cette semaine? Non, j'ai pas essayé encore, non. Non, j'essaie vraiment de comme de le finir, puis d'embarquer le password après. Je sais pas, que ça donne quoi si on essaie le password avant? Ben, ça va savoir. Tu peux prendre la game de quelqu'un que sur internet qui a mis son password, c'est assez commun. Ok, good. Fait que on va partir en nouvelle. Yep. Mais avant tout, on va dire un petit bonjour à la gang qui est présente en ce moment sur notre YouTube, notre chat YouTube. Fait que ça jase de beaucoup de choses. Désolé, ça sera pas très long. Il y a quelqu'un qui... Il y a Knuckles qui adore Wind Waker HD, qui l'a écrit comme 20 fois dans le chat. Les couteaux volent bas ce soir au niveau blague, selon Dave Zayon. Ouais, mais ça, c'est normal. Ouais, c'est standard. C'est standard, avec CE, là, quand il est là... Ben... C'est parce que je suis là, c'est ça que je pensais que t'allais dire, que je suis là. Ça change toute l'affaire. Mais là, tu changes la dynamique. Fait que nous autres, on en profite, là, c'est pour ça. Ben, moi aussi, j'en profite. Ben oui. Juste un gamer, t'es le best. Tu veux que je t'appelle Jug ou juste un gamer? Jug. Jug? Jughead. Et Névrose avoue franchement qu'il a déjà dansé dans une cage, tout ça pour une fille. Qu'est-ce qu'on veut pas pour une fille des fois, hein? Écoutez... Non, mais c'est normal, quand t'habites dans une société matriarcale comme au Québec, tu sais. Oh my. fait que on va embarquer dans les... Ah, tu avais l'air heureux du Lovecraft de ce mois-ci. Je te jailbreak me dit tu avais l'air heureux du loot crate que j'avais reçu ce mois-ci. Attendez ma vidéo que je sors cette semaine. J'ai essayé un autre crate que j'ai reçu le paquet aujourd'hui. Ça s'appelle Nerdblock. Et allez plus avec Nerdblock que loot crate parce que là je vais faire peut-être une vidéo run. Je vais rentrer dedans loot crate parce que ils me font chier un petit peu cette année. Nerdblock ou Nerdblock? Ok, block. Nerdblock. Okay. Comme un bloc. Je trouvais ça cher, Loot Crate. Je checkais les prix pour le stock que j'ai le eu. Canadien, ouais. Le stock pour envoyer au Canada, c'était cher. Les Américains, tu le prix pas pire, mais. Ce que j'ai aimé d'un Nerdblock, c'est que c'est 30$ encore, mais le stock que tu as dedans, il vaut plus que le 30$. Puis le shipping, il est en Ontario. Fait que ça, c'est arrivé okay. Comme deux. Ils l'ont shippé le jeudi, puis je l'ai reçu lundi. Ça, c'est bon. C'est très bon. Bon, on embarque dans les nouvelles. Grosse nouvelle chiante. Ah bon? Watchdog qui est décalé. Encore? Eh oui. Eh oui. Alors, Watchdog qui était prévu pour le 21 novembre va être décalé au printemps 2014. 2013, c'est l'année des décalages, mon Dieu. Ouais. C'est déception, hein? Sérieusement, on s'attendait tous à voir ce jeu-là pour Noël, puis... En tout cas, Ouais. Moi, je l'avais mis en plus dans ma liste. J'ai comme, celle-là, c'est celle-là que je veux avoir comme jeu, là, assuré, là. Et non, on l'aura pas. Et. Night. Autre nouvelle, pour les fans de Mass Effect comme moi, Mass Effect 4 aura aucun lien avec l'histoire de Shepard dans les trois premiers. Ils sont tombés d'accord sur l'idée de raconter une histoire qui puisse être dénuée de lien avec les événements attachés au commandant Shepard. Je trouve que c'est vraiment cool comme idée pareille parce que on peut vraiment partir à neuf la franchise puis de ceux qui veulent essayer la Mass Effect sans jouer les trois premiers, ben ils vont pouvoir embarquer rapidement. Sauf qu'est-ce qu'il va y avoir des mentions de Shepard comme qui a déjà été là, qui a marqué l'histoire puis quelque chose du genre ou c'est carrément non, il n'existe plus. C'est vrai comme une espèce de légende. Non, là-dessus, c'est pas encore mentionné. C'est pas marqué dans les nouvelles, par exemple. Ok. Mais je vais chercher là-dessus les nouvelles pour ça. Merci. Avez-vous vu les images du Kingdom Hearts 3? Non. Comment? Malheureusement, non. J'ai sorti les images sur le forum. Si jamais vous êtes sur le forum des accros, vous pouvez passer à aller les voir. C'est vraiment, côté visuel, je trouve qu'il n'y a pas bien rien de changement comparativement aux versions HD de la PlayStation 3. Mais ça risque d'être cool parce que on se bat surtout dans les deux tableaux qu'on voit, c'est des manèges qu'il y a à Disneyland. Fait que par exemple, t'as un gros roller coaster, puis là, faut que tu te battes contre un monstre comme 3 super grand, puis là, faut vraiment que tu le frappes dessus quand tu passes à côté avec le roller coaster. Je trouve ça cool comme idée. Ça semblait un petit peu à du Shadow of the Colossus, la manière que c'était présenté. C'était vraiment intéressant. Sinon, à part ça, aux nouvelles de Wii U, Nintendo dit la compagnie n'est pas taillée pour la concurrence. La manière que Iwata disait ça, c'est que si vous faites... excuse-moi? Tanuka? Non, Ah, ok, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Iwata dit que si vous faites la même chose que vos concurrents, vous allez vous épuiser. Nintendo n'est pas un bon compétiteur, donc nous devons toujours nous différencier en faisant quelque chose de neuf plutôt qu'en entrant dans la compétition sur un marché déjà existant. Fait que c'est la raison pourquoi que ils disent qu'eux autres ils veulent pas être dans la grosse guerre PlayStation 4 et Xbox One. C'est qu'ils veulent vraiment être différents d'eux autres. Ils sont mieux comme ça, ils seraient pas capables de compétitionner. Ouais, faut pas oublier que Microsoft c'est déjà un empire à part du gaming, puis Sony aussi. Là. Sony ils font pas juste du gaming. C'est ça. Ils font du hardware. Ouais. Ben ça, Nintendo ont toujours voulu être différents, en fait, même au début, là, il me semble. Mm-hmm. Mais ils ont voulu, ils ont restarté les jeux vidéo dans les années 80. Ouais, mais moi, la chose qui me fait peur un peu, c'est de voir que, on dirait que je les vois juste avec des ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sont capables de créer des franchises de fous, mais ils ont peur d'oser. Ouais. C'est... Vous osez quoi? D'essayer des nouvelles affaires, de toucher à des nouveaux trucs. Comme par exemple, toucher à des quartiers, des jeux plus matures. C'est ancien, ouais. Il y en a tellement sur les autres tiers parties. Pourquoi qu'ils se pitcheraient là-dedans? Non, c'est ça, c'est pas le. Ça veut dire qu'ils seraient comme les autres, dans le fond. Ils sont déjà marginales. S'ils font des jeux matures, ils sont plus marginales. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le monde qui arrête pas de chialer. J'ai un Zelda plus réalistique et plus mature. Ben, je veux Darksiders, puis arrête. Mais c'est ça. Calissez-nous patience, esti. J'avoue que vous avez raison. Tu vas te dire, calissez-nous patience. Ah, on l'a eu, là, Zelda Mario mature, c'est quoi? Vous voulez voir Mario en train de fourrer Peach derrière un champignon? Ah, ça, on fait que toi, t'aimerais savoir ça, mon jog. Mais non, c'est quoi, là? Non. Non, mais pourtant t'en parles. Non, mais tu sais, je veux dire, quand quelqu'un parle d'un Mario Mathieu, il voudrait que ça soit le gros douchebag, là, avec l'espèce de gros dans les mains, là, pis qui court après le monde, pis qui est vache, pis qu'elle s'en gicle, là, tu sais, Mario, c'est pas ça, là, Chris. Non, effectivement, Mario, c'est un partage de mignon. Tabarnak. Bon, continue. Puis Névrose, il rajoute dans le chat que ça a l'air de rien, mais Nintendo, le 5 novembre 2013, ils ont vendu 300 000 systèmes de jeux. Puis ils ont vendu plus que Sony puis Microsoft. Oui, récemment, j'ai entendu dire ça, moi aussi. probablement que les ventes de Pokémon X et Y sont pour quelque chose, mais... Dans le clair. ils sont loin de la faillite, Nintendo, là. Ils dans le cash. C'est peut-être... Peut-être que les ventes de la Wii U sont pas aussi awesome que ce qu'ils s'attendaient, mais non, ça va bien là, Nintendo, là, ils sont pas dans la def. Non, ils ont une réserve de cash assez impressionnante. Ils sont assis dessus. Ils ont moins de cash, ils ont juste fait moins de cash que l'année précédente, mais effectivement, ils ne sont pas dans la marde. Puis ils ont pas de dette, je vous accorde. Non, ils ont zéro dette. Excusez, j'avais un chat dans la gorge. Excuse-moi. Ok, Capcom. Capcom, ouais. Capcom, qui est pas mal. Ils ont fermé leur bâtisse en Europe, hein, pas trop. Ouais, ils n'ont pas le choix, là. Faut qu'ils ressortent méga, man. Rendu là, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut sauver Capcom. Même pas Resident Evil. Ben, en fait, un reboot de Resident Evil, parce qu'il parle encore de faire un reboot de Resident Evil. Ouais. Ça dépend. Regarde, avec leurs moyens qu'ils ont là, ils n'auront pas le choix d'en vendre des licences, puis j'ai l'impression que Resident Evil vont partir dans les premiers. La seule chose qui va sauver Capcom, c'est si ils font le move comme Square Enix ils font avec les jeux mobiles. J'avoue. Mais j'ai une nouvelle par rapport à ça. OK. Par rapport à Square Enix qui défend ses prix de ses jeux mobiles. Ouais, ça c'est cave. Je me dis 20$ pour Final Fantasy 1. Là, tu sais. Ils disent que... OK. Au début, nous avons reçu quelques plaintes au sujet des tarifs. Mais les utilisateurs ont joué à ces jeux et ont vu leur qualité et ont donc finalement été satisfaits par les prix. Va chier. Excuse-moi. Fuck off, n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont pris ça dans des fanboys, genre de site de fanboys? Je pense que même des fanboys oseraient pas dire ça. C'est quoi, c'est 15$ je pense pour le Final Fantasy 3 ou 4? Ouais, 16$, 15,99$. Je paierais pas ça. Tant qu'à ça, je vais aller chez Microplay, je vais le trouver dans Final Fantasy 4 pour DS à 20$. Je vais l'acheter là. Je te confirme que tu peux effectivement trouver à vers ces prix-là en 10-20$. Tu sais, c'est n'importe quoi. Là, écoute, là, tu payes moins cher genre si tu le télécharges sur PlayStation Network. Là. You fell in life. Ça fait pitié. Donc, non, Square Enix, pour ce qui est de vos prix, là, non, vous êtes vraiment en dehors de la traque. Là, je vous avoue, je pense que c'est une nouvelle pour l'Europe, parce que je suis sur un site européen pour mes nouvelles, mais ça se pourrait peut-être qu'on ait ces bundles-là de la Wii U. Il y a trois nouveaux packs qui s'en viennent pour la Wii U. Trois bundles finalement. Le premier bundle, Mario & Luigi Premium Pack, qui contient une Wii U noire de 32Go avec le gamepad et un disque qui contient les deux jeux New Super Mario Bros. U et Super Luigi U. Pour le 8 novembre. C'est un jeu avec le jeu avec le DLC, pis c'est tout. Ouais, c'est ça. Après ça, on a le Wii Party U. Qui est un console blanche de 8Go, un gamepad, une Wii Remote Plus, une Wii Party U. Mais ça, c'est sûr qu'on l'aura pas. C'est sûr qu'on l'aura pas, ils ont tous retiré les 8Go en Amérique du Nord. Ouais. Puis, il y a aussi le bundle, ce bundle-là, mais avec Just Dance 2014. Pour ceux qui aiment danser. Comme c'est. Ça pourrait poigner. Comme c'est. Mais ça, ma blonde, elle aimerait ça. Marie, elle adore jouer à ce jeu-là. C'est étonnant qu'ils en font pas un avec Super Mario 3D World. C'est vrai, mais j'imagine qu'ils doivent vouloir en vendre plus en unité avant de sortir en bundle. Parce qu'après ça, en bundle, c'est comme tu le... Non, excusez-moi, mon erreur. C'est mon erreur parce que dans un sens, Zelda, ils l'ont sorti en même temps. Ouais. Ça a boosté les sales en Angleterre, ça, le bundle Zelda. 685%. C'est celui que je risque d'aller chercher bientôt, là. Il m'agace en maudit, là. Ah, mais c'est juste une version téléchargeable. Moi, c'est ça qui me gosse. Écoute. Oh my, OK. Dans ce moment, sur le chat, là, il y a un gros... Destin veut parler. Oui, vas-y. Oui, c'est pas que j'aime pas Xbox puis Microsoft, mais... Mm-hmm. Il me semble qu'il y a une grosse nouvelle là, à parler de Xbox et Microsoft, non? Ah oui? Oui? Vous n'avez pas entendu parler? Non, laquelle? Non, dis-nous-le. Là, je suis impressionné. Ah non, Microsoft ont affirmé, du haut de leur stature parfaitement gentille et correcte, que les Kinect allait pouvoir être utilisé pour vous espionner, entre guillemets, pour ensuite pouvoir vous vendre la pub ciblée. Puis tout ce que vous faites, mettons, exemple, dans votre salon, vous êtes chez vous, vous êtes en train de manger un sac de crottes au fromage, puis vous en mangez un à tous les jours, bien le Kinect va pouvoir le regarder, l'enregistrer, puis vous cibler des pubs de crottes au fromage. Oh my God. Ouais. Ben, ça fait un petit peu qu'il l'avait insinué, mais en tout cas. Mais là, de l'avouer de même, c'est comme genre... Ouais, non, mais là, c'est ça. Là, ce qu'ils ont dit, c'est « Vous inquiétez pas, on le fera pas, mais on pourrait le faire si ça nous tente. » C'est comme... Oh, come on! C'est que ça, c'est comme mon... En tout cas, non. C'est beau, ouais, je dirais rien, tu sais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que, ben, moi, ça m'a encore fait plus haïr Xbox déjà que ça vole pas haut, là. Ouais, mettons que c'est pas mal louche. Tu sais, c'est parce que c'est où la limite, là? Tu sais, ils ont le droit d'entrer dans ta vie privée pour te vendre la pub, mais là, c'est parce que si ça commence, ça va être quoi la prochaine étape, là? Inacceptable! Je voulais juste... On rit bien avec Big Brother, mais c'est carrément c'est ça qui est en train d'arriver, là. Ben, en tout cas. Bref. Je voulais juste mentionner, sur le chat en ce moment, là, il y a un gars qui se fait passer pour Stan Alone Gamer. C'est pas lui. J'ai averti d'avance, c'est un gars qui a volé son identité. Il n'y a pas d'abonné. C'est bien mauvais, ça. Imbécile. Il s'est mis à insulter tout le monde là, en passant sur YouTube. Là. Non, c'est pas lui. C'est un bon gars, on le connaît. Alpha et moi, on le connaît très bien. C'est pas un gars qui va bitcher le monde. Qui est ça, le nom de... C'est le nom de cul. C'est le nom de cul. Il est vraiment, vraiment cool. En fait. Désolé, je vais juste écrire à parce que Stan Alone, il est dans mes amis Facebook, puis que je vais juste l'avertir que... Non, tu sais bien. Tu sais bien, toi. Il est gentil. Oui. Fait que pendant sur le chat, il y a un débat qui se passe à propos de quel est le meilleur jeu à temps horreur, Silent Hill, Resident Evil ou Eternal Darkness? Fatal Frame. Ou Fatal Frame, effectivement. Fatal Frame. Mais c'est dur à dire parce que c'est vrai qu'il manque un point, Jog, il y en a eu dans le fond. C'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu. C'est devenu un jeu plus action, c'est ça. Ça n'a jamais été vraiment horreur. Moi, horreur pour moi, là, c'est. C'est l'inattendu, c'est beau. L'horreur, c'est quelque chose qui t'inquiète, qui te terrifie. Donc justement, ouais. Eternal Darkness, il fait un excellent job pour ça. Silent Hill, dépendant si le jeu est capable de jouer avec attaque ou pas, fait également une job magistrale avec ça. Mais c'est sûr que les gens vont plus penser avoir tendance à dire que Resident Evil c'est meilleur à cause que Resident Evil offre un meilleur gameplay. Juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fenêtre d'ouverte proche? Je pense que c'est... Moi non, mais en même temps, c'est moi je suis sur un jeu vraiment passant, puis même quand je ferme les fenêtres, il y a du bruit. Là, j'en entendais au début, je me demandais c'était quoi, mais est-ce correct qu'en tout cas, il n'y a pas de problème. Ok. Je vais faire un petit job de montage, ça va paraître moins. Ok. C'est bon. Bon, excusez-moi. Okay. On repart le bat. Ouais, désolé parce que là, on a le gars qui se fait passer pour Stand Alone qui repasse souvent. Désolé. Bon. Fait que après ça, moi de mon côté, les jeux d'horreur. Je te dirais que celui qui m'a vraiment donné plus la chair de poule, là, en tout cas, quand j'étais jeune, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, c'est Silent Hill. Je trouve que c'était l'atmosphère du jeu qui me donnait comme... Tu sais, tu te manes, là... Ça allait vraiment te chercher. Ça allait te chercher, puis tu faisais comme... Chris, j'entends la radio, et où la petite bébête? Je la vois pas, la tabarnak de bébête. Il part à t'attaque de dos alors qu'elle sort de la buée ou des ténèbres, un des deux. Dans les souterrains, on n'entendait pas la radio, elle pouvait pas prendre les ondes, fait que là, tu savais pas du tout ce qui était les 8 bits. Tu pouvais pas savoir s'il approchait ou non, fait que là, tu checkais tout le temps, tu paranoïais. C'était quelque chose. Le jeu qui m'a terrifié le plus, me fait le plus peur, c'est E.T. sur Atari 2600. C'est encore drôle. C'est juste que ton imagination tellement que t'es graphiquement mauvais, why not? T'avais peur que E.T. vienne te voir pour te dire. Non, j'avais peur qu'E.T. ruine mon enfance. Ah, ok, c'est bon. Un enfant? Ouais, oui, il a déjà été enfant, lui. Non, je dis pas. Je suis pas apparu de même tout d'un coup, paf. Là. Ah non? Je suis quand même sorti par un trou. Là. Ah, ok. Ok. De mon côté, ça, pour moi, c'est celui qui m'a. Je te dirais que Resident Evil, il n'y a rien vraiment pour faire un saut. C'est à part la shot parce que les chiens sortent des vitres, là, du premier. Non, mais un saut, ça veut pas dire que t'as peur. C'est juste non. Un. C'est vrai. C'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est pas vraiment de la peur, ça. Oui, c'est vrai. La peur, c'est quand t'es pas sûr de ce qui se passe, puis que t'es comme désorienté par ce qu'il y a autour de toi. C'est ça la peur, c'est pas. D'accord. C'est l'inconnu qui t'envahit dans le fond, qui dans le fond t'englobe, puis. L'incompréhension, le. T'es pas qui va arriver par après, c'est comme ça. Là-dessus, Jug a une belle explication. Névrose dit que Eternal Darkness qui brise le quatrième mur en faisant semblant de corrompre tes sauvegardes ou ton GameCube, ça fait peur. Ben, ça fait. Tout d'un coup, t'es genre là. Tabarnak! Tu pètes ta coche! Quand c'est la première fois que tu le fais. Moi, ben, parce qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de lire. Tu prennes le temps de lire le message, tu sais, qui dit. Tu vois, c'est comme par rapport, là. Moi, en tout cas, dans mon avis, là. Non, ça c'est sûr, en quelque part. Un autre truc que moi je trouve qui fait peur, mais qui vraiment, ironiquement n'est pas un jeu d'horreur, c'est dans Metroid Prime 2 Echoes. Quand tu te fais blaster par un des robots, ton image, c'est comme un jeu en première perspective, ton image, ça fait justement ça, ça donne comme une image de sauvegarde corrompue. Il faut que tu fasses une combinaison de boutons pour faire un reset. Mais sur le coup, à 2h du matin, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu garantis que tu freaks. Freak en sacrement. Fait que. Non, moi, j'ai pas joué. Quand je pars du loin dans celui-là, il va falloir que vraiment que je m'y mette. Merci, PL. Tu me donnes le goût d'aller jouer à Metroid Prime. Bon, on va aller voir qu'est-ce que le monde jase en ce moment sur le chat. Y a-t-il quelqu'un qui fait de la musique en ce moment? Pas moi. Moi, il y a mes voisins à côté qui capotent un peu, là. Je peux vraiment rien faire contre ça, désolé. Moi aussi, ça m'énerve, mais. Wab, bam, bam. Wab, c'est des voisins. Ah, ok, c'est bon. Je sais pas s'ils jouent à un jeu genre DDR ou je sais pas quoi, mais ils sautent, puis ça fait du bruit, puis il y a de la musique. Ah, c'est correct. Peux-tu aller un petit lobby, je sais pas. C'est dans le. Non? Hein, quoi? Tu pourrais aller filmer dans leur appart, dans le monde du gaming. C'est vrai? Je pense pas que je puisse, malheureusement. Ah. Fait que, non, c'est ça, en ce moment, en passant, gang, oui, je vois sur le Facebook, juste sur le YouTube, il y a des haters à tour de bras, j'essaie de... On va continuer. Ignorez-les, puis m'emmener, ils vont s'installer. Ils vont pleurer comme des. Ils vont pleurer. Ouais. Pauvre petit. Fait que. Non, c'est... Rose, merci beaucoup pour The Evil Within. Ça a l'air. Freak, hein? Ouais. En passant, je suis en train de donner des pouvoirs de modérateur antithèse. Si tu veux t'occuper de si jamais il y a quelque chose que tu vois pendant les chats. Les gens sur la chaise, avec Jean partant. Je vais en donner Peux-tu me les donner à moi aussi? Ouais, je fais ça. Sur le chat. Voilà. Bon. Full power, man. Bon! J'en ai moi des nouvelles. Ah ben vas-y. On peut faire du montage. Le nouveau trailer de Zelda Link Between Worlds. Oui. J'ai pas vu. Avec l'eau où on voit la version de l'autre monde de Zelda, puis la version de Low Rule. On va voir ça. Oui, moi j'ai vu ça. J'ai vu la nouvelle princesse. Hilda. Quoi? La princesse de l'autre monde s'appelle Hilda. Bonsoir. Hilda. Yeah, elle était dans Low Rule. Tu sais, High Rule, Low Rule. Oh, de l'humour! Oh. Là, plus on en parle de A Link Between Worlds, Moi, plus qu'il me tente de l'acheter. Avant, j'étais très sceptique. Je dois vous avouer. Pourquoi? Je sais pas. Il y avait quelque chose qui m'attirait pas vraiment de ce jeu-là. Je pense parce que c'est le fait que c'était une, comme une suite de Link to the Past qui était... indétrônable. Ben, c'est ça, de pas mal de choses, Link to the Past devrait demeurer juste A Link to the Past. Ouais. Puis, là, d'en faire un style de ça, c'est genre... Ça vaut pas un petit, ça défait pas un petit peu le concept des de Zelda lui-même que chaque jeu l'incarnation différente du héros. Ouais, mais tu dis la même chose quand Link est sorti? Excuse-moi? As-tu dit la même chose quand Link est sorti? T'as-tu dit la même chose quand Link Awakening est sorti? Link Awakening, c'est la suite de Zelda 3. Ouais, c'est une suite de Link to the Past déjà. C'est ça. T'as-tu capoté? Ça, c'était différent parce que c'était de toute façon le deuxième jeu. Puis en réalité, je pense que c'est juste pour des princes, c'est juste pour les Américains que le Link's Awakening, Link's the Past, pardon, Link's Adventure! Mon Dieu! Link's Adventure? La suite. Pourquoi c'est Link's Adventure? Zelda 2. Ouais, Zelda 2, t'as pas chialé non plus. Non, je t'ai parlé juste de Zelda 2, là. Je pense que c'est juste parce que dans lui, c'est juste pour les Américains, pour que ce soit plus simple de comprendre, puis pour plus vendre. Ben, mais je pense que dans le truc officiel de truc, je pense que c'est considéré comme un sequel, là, partout. Ouais. Oui, c'est vraiment considéré comme le sequel de... J'ai eu des débats comme quoi que c'était pas vraiment un sequel. C'est pour ça que j'ai apporté. Majora's Mask, t'as-tu capoté aussi? C'est vraiment un sequel. Attention, j'ai pas dit que je capotais, j'ai dit que j'avais des doutes. Mais t'as-tu eu des doutes pour chaque sequel des autres Zelda? Mm-hmm. Est-ce que tu laisses parler ou j'arrête de parler? Excuse. Non, mais là, je te parle de A Link Between Worlds. J'avais juste un doute. Je pense qu'il y avait son gameplay. Mais écoute, en fait, c'est ça, j'ai fait comme un peu tout le monde ici. J'ai donné sa chance. Puis là, comme je t'ai dit, là, c'est même tente. Ben, en tout cas, c'est sûr que c'en est un que j'achète. Il sort sur le camp pour le. Le 26, je crois. Le 26 quoi? 26 octobre? 26 novembre? Ouais. Ben, déjà? Dans ce coin-là, non, ouais. Même trop tôt. Ben non, c'est parfait, c'est le temps des fêtes. Ben non, on semble que c'est l'heure prochaine, non? Non, il semble le temps passe bien vite. C'est marqué ici, North America, November 22. 22 novembre. En Amérique du Nord. Ben là... Le 26, c'est au Japon. Il sort plus tard au Japon. Au décembre, en plus. En décembre, ouais, ça c'est assez... ça, c'est spécial. Il sort ici avant. Parce que nous, on est les meilleurs. La la la. Non, ce n'est pas vrai. OK. Bien. Non. OK. Il y a excusez-moi, c'est Maxime Duclos qui demande si on a joué à Beyond Two Souls. Non. Pas non, je vais jouer. C'est pas un jeu de PS3, ça? Ouais. Exclusivement. Je suis pas PS3. Exclusivement PlayStation 3. C'est celui-là, genre, que tu peux jouer avec ta tablette en plus pour jouer un fantôme, genre? Bonne question. Je pense pas, hein. C'est une maudite bonne question. Max, si tu l'as en ce moment, tu peux-tu nous dire sur le chat si c'est vraiment tu peux jouer avec ta tablette en plus? Parce que ça a l'air que tu peux jouer avec ta manette normalement, puis quelqu'un peut jouer avec la tablette pour t'aider dans le jeu. Je trouve ça intéressant ce genre de gameplay-là, si ça existe. Parce que je sais que ça va s'en venir pour le jeu de Ubisoft, là. Comment ça s'appelle? C'est un Tom Clancy, là. Mais tu vas pouvoir, tu sais, le monde va pouvoir jouer avec les manettes comme à l'habitude, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir être avec la tablette, puis genre par exemple envoyer un drone pour tuer du monde en arrière avec le drone. Ce qui est vraiment cool. Retro Game Throwdown dit que Jug, théoriquement, Link Awakening est pas supposé être le sequel de A Link to the Past, je crois. Dans les choses officielles, ça m'étonnerait que ça dise pas ça. Moi, je le vois ici en ce moment. J'ai la, c'est Link Awakening et la suite de Oracle Season puis Oracle of Age. Dans la timeline. Ok, ouais. Ah, dans la timeline, ouais. A Link to the Past, c'est le dans la première timeline, si par exemple tu meurs dans Ocarina of Time, c'est A Link to the Past, Oracle of Age et Oracle Season, Link Awakening, puis après ça, Zelda 1 et 2. Ouais, je me mêle avec le développement. Il voulait, au départ, c'était supposé être un port de Link to the Past. Ouais, mais ça, moi aussi. Ok. Fait que, non, c'est ça, c'est... Ben, Link Awakening, quand même, il y a beaucoup de... Mais moi, je trouvais ça... Quand la timeline est sortie, là, je pensais toujours qu'il y avait juste eu deux timelines. Du Zelda Link jeune, puis du Link adulte. C'est plate quand là, ils ont fait comme trois, puis c'est bien différent. Mm. Ah ouais, moi je dis fuck off la timeline, là. Tous des jeux séparés. Là. Ouais. Hein? C'est parce que le monde essaye trop de linker tout ensemble. Merci à Cara Geek et Maxime Duclos pour. Ils disent vraiment qu'on peut jouer à deux en même temps, dont une personne sur la tablette. Mm. C'est vraiment cool pour Beyond Two Souls. Moi je l'ai eu, mais juste la tablette que c'est de la vraie merde celle que j'ai. Faudrait que je m'investisse. En même temps, Jog, la Galaxy Tab 2, est-ce que ça vaut la peine? Ben, c'est plus à jour. Ok. Mais est-ce que ça vaut la peine? Maintenant? Ben, je sais pas, je l'ai pas. Tu l'avais pas déjà eu? Ouais, mais j'ai la 2, mais j'ai pas la 3. Ben, c'est la 2. La 2, elle est plus sur le marché, là. En tout cas, elle est plus supposée. Ben, t'as 180 chez Futureshop. Ben, ouais, à ce prix-là, ça vaut la peine. Hein. Ok. Sinon, pas ça. En passant, Alpha, félicitations pour tes 1 an. Merci, oui. Merci. Bonne fête. Bravo. Bonne fête, Alpha. Bonne fête. Est-ce que manger une chandelle, c'était bon? Non, pas particulièrement, je vous le déconseille. Mais tu sais, après, le Windex est rendu facile. Oui. Gorger le Windex, puis tout passe. C'est ça. C'est quoi ton... comment tu te sens après 1 an de production, là? C'est quoi le comment film? Je me sens? Oui, comparativement au début, si tu fais la comparaison de toi il y a 1 an, puis toi en ce moment, est-ce que t'as les mêmes buts? T'as-tu les mêmes... Ben, j'ai le même fun d'en faire les vidéos, j'ai le même but, mais seulement je dirais que j'ai beaucoup développé ma façon de faire le montage vidéo, là, dans le fond. Là. Puis ça me prend de plus en plus de temps avec les vidéos. D'ailleurs... un petit scoop, là. Le prochain vidéo qui s'en vient, là, il y a beaucoup d'effets spéciaux dedans. C'est de loin l'épisode dans lequel je mets le plus de temps pour les effets spéciaux, puis tout ça, puis écoute, c'est long. Ça prend beaucoup de temps. J'aime ça, mais c'est ultra long, puis ouais. Tu sais, à mesure que je fais des épisodes, ça s'en vient tout le temps de plus en plus long, parce que, tu sais, je m'en viens peut-être meilleur, mais je veux toujours en faire plus. Fait que tout ça, ça fait que finalement, je me retrouve avec des effets spéciaux qui me prennent beaucoup de temps à faire. J'ai bien du fun, mais je mets beaucoup plus de temps que j'en mettais au début. Hey, au début, je sortais un épisode en 2 semaines, puis c'était pas grave, là. Hey, t'oublies ça, là. C'est plus pensable aujourd'hui. Puis félicitations également d'être apparu dans le blog de Musique Plus. Oui, oui, oui, ça, c'est une belle surprise. Est-ce que tu avais été contacté auparavant ou... Non, pas en tout. J'ai eu la surprise live, on the spot, quand je l'ai vu sur Musique Plus. Oh ouais? Wow. Ouais. Fait que non, Alpha, il est très aimé par l'industrie en ce moment, c'est ça que je peux dire. Ouais, faut croire. Pourtant, je suis pas un exemple côté français, puis le politically correct, là, mettons. Là. Ouais, mais c'est ton côté divertissant, puis ta créativité avec ouais, je suppose. Et tout le patin. Et ton guts, dans le fond, qui fait que. Ouais. T'as le cas de ton côté? Qu'est-ce que c'est ton prochain article? Est-ce que tu as une date, une idée de ce que tu vas faire? Moi, ben, je vais essayer de faire de quoi pour Halloween, mais ça sera vraiment pas grand-chose, juste une niaiserie, là. Peut-être que ça va scandaliser les gens, mais c'est correct. Pas plus. C'est correct, nous autres. Pas sûr encore, là. Scandalisons les gens. Toi, c'est j'ai vu que tu vas poster une vidéo très prochainement. Oui, sur le site, elle arrive très bientôt. Je dirais même mercredi. Oh, fait que regardez le site Accord des Jeux, demain vous allez avoir la nouvelle vidéo de CE. Oh, oh! C'est comme sa présence sur les podcasts, c'est assez rare. Excuse. C'est spécial. Non, taquine, non, taquine. Antithèse, de ton côté, tes rétrospectives sont-tu bientôt terminées pour l'année 2013? T'en restes encore? Il me reste l'autobiographie de Max Cavalera, il me reste des nouvelles sur Fallout 4, il me reste... je pense qu'il m'en reste encore deux autres, en tout et partout. Côté vidéo, j'ai ma nouvelle qui est prête, mais vu que cette semaine, petit spoiler, on va être cette semaine bien occupé, mais je vais attendre mon tour. Je suis déjà dans la production de la suivante. Et je suis déjà aussi dans la production de ce que j'avais déjà parlé dans le passé, il n'y a pas si longtemps, du Sartrospective. OK. Et Jog, comment ça avance tes nouvelles vidéos? Ma nouvelle vidéo est en production présentement, avec saveur Halloween. Donc, c'est ça. On va-tu avoir un caméo? Dans ton dernier épisode d'Halloween, t'avais un caméo? Ah ouais, ben non, pas cette année, non. Oh, dommage. Moi qui rêve tellement à ce que tu bois un truc dégueulasse de la rabouffe, ça aurait été le fun. On a un projet commun prévu pour la fin de l'année, mais on sait pas quand encore. D'accord. De mon côté, il va y avoir une vidéo de ressortir cette semaine. Cependant, ça ne sera pas le même thème que j'avais annoncé. Ça va être un autre opening de... Je vous parlais de Nerdblock. Excusez-moi, je cherche le nom. Je me mélange avec Loot Crate. Puis, j'ai fait affaire avec Nerdblock ce mois-ci. Puis, sérieusement, là, lâchez Loot Crate. On a une fan là, qui m'a écrit, qui a beaucoup de misère avec Loot Crate, là. Même moi, j'ai de la misère avec eux autres aujourd'hui. J'essaie d'accéder à mon compte, ça marche pas, je leur ai écrit un courriel long comme un bras pour dire j'ai de la misère à accéder à mon compte, et ils me répondent pas. Ça fait 5 fois que j'ai cliqué. Ouais, sincèrement, je trouvais que c'était quand même ordinaire aussi ce que tu as ouvert. Tu sais, je veux dire, c'est cool, là, mais t'as pas gagné énormément, puis. Nerdblock, j'ai vraiment gagné. Sérieusement, là, je vais vous montrer un spoiler de ma vidéo. Je vous reviens. Ok. Oh! Suspense. Ta-ta-ta. Il va nous montrer ça comment? il va trouver un moyen, j'imagine. Ben, en attendant, les gars, vous pouvez avoir DOS et Nelicien Tail à 66% off sur Steam pour 5,70$. Mais quel est ce jeu, Jog? An Elysian Tale est un jeu genre style Metroidvania qui est très bon. Tout dessiné à la main. Bébé Naruto. Alors, voici le t-shirt. La mort. C'est Darth Vader avec un Stormtrooper. Ah. C'est marqué The Dark Side. Mais le Darth Vader, il y a une... Comment on appelle ça déjà? Une faux, ouais. Il est vraiment cool le t-shirt. Sérieusement, c'était un squelette au début, c'était trop flou. Désolé, mais ça, il y a de l'air de la mort. Il est avec une capuche de mort. C'est la mort! Ben non, c'est une lampe, grand papa. C'est la mort! Ben non, c'est encore la lampe. Mais c'est la mort! Hey, la mort. Semaine prochaine, les accros, en passant, on fait un spécial animation. On va jaser de des Simpsons, les spéciaux des Simpsons d'Halloween. Ah oui, c'était pour introduire ça. C'était tout prévu dans ma tête. Là, moi, là. Ah oui, tu y as pensé. Fait que, non, c'est ça. Ça va être la semaine prochaine. Préparez-vous. Écoutez une couple d'épisodes sur vos coffrets DVD. Parce que je suis sûr que vous avez tous au moins un coffret de la série. Non. Pas en tout. Malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi là-dessus, je crois que je vais finaliser ça parce que j'ai du montage à faire. Ben moi aussi. Hein? Moi aussi. Oui tout. Moi aussi. Fait que merci beaucoup la gang de sur YouTube d'avoir été là. Vous êtes vraiment cool de passer à chaque semaine, venez nous dire un petit bonjour. Mettre un pouce vert quand il y a plein de haters qui passent pour nous en mettre des mauvais. Et c'est la première fois, donc c'est un petit peu peut-être un petit peu signe que justement on est peut-être devenu populaire. Peut-être qu'on dérange. Peut-être, c'est correct. Fait que ben merci peut-être beaucoup d'avoir. Hein? Peut-être qu'on fait peur. Peut-être, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il veut. Il y en a aussi, tu sais, je veux dire, il y a des haters qui passent juste pour le trip de venir hater. Puis c'est correct, regarde. Moi, je m'en fous. Hein. Il faut juste les ignorer, puis m'emmener, ils se tapent. Fait que. C'est pour cela. Fait que merci tout le monde. Bye. Bye. Bye bye. Fait que. On embarque dans le thème du jour. Ok. Ça vous tente-tu? On essaie. Oh. Bon. Mm-hmm. D'abord, pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance, je vais demander à Antithèse de me sortir un mi. Ok. Ah, jeez. I am the great mighty boo, and I'm going to throw my shit at you. Are your supply of dish? Come from my starship. C'est tellement déréglé. On a juste l'aide d'une gang de Soulons qui fait de la taverne. Ben, c'est pas ça qu'on est déjà? Moi, je bois pas d'alcool, Ben. Ça va pas bien? Ah, c'est vrai, toi, tu bois jamais d'alcool. Et voilà. T'es notre nez rouge. Do you really think you'll survive in here? Don't you don't seem to know which creek you're in? Sweet corn is the only thing that makes it through my beer. Don't you think I keep this lovely green thing? Est-ce que... Regarde la version karaoké de, si on veut, de Great Mighty Pooh. Ben oui, parce que dans le jeu, de toute façon, il y avait déjà la version comme karaoké, tu pouvais chanter en même temps, là. Et voilà. Oui. On va jaser Conker Bad Fur Day, comme vous avez pu essayer de comprendre, parce que c'était vraiment horrible la façon qu'on chantait. Mais on va jaser de ce jeu-là, qui est une légende en soi. Le jeu est sorti le 5 mars 2001. C'est quoi ce bruit? T'avais pas chez vous? Non, ça c'était pas moi. C'est moi non plus. Une fois. Oh. Ça, c'est Ben? Oui? Ok, excuse. Je pensais que ton micro était éteint, on a comme arrêté de t'entendre. Non. Fait que, non, c'est ça. C'est un jeu qui est sorti en 2001. C'était fait par la compagnie Rare, qui à l'époque était reconnue pour faire un bon. Comment dire, guitare connue pour faire quand même des bons jeux à l'époque. Mm-hmm. À Star, à l'époque. Avant qu'il soit acheté par le diable. Ouais. Le diable! Même le diable va te dire « Alpha, t'es tombé un chien pour moi, man! » Ben, qui crève, c'est... fait que non, c'est ça. Qui, bon, c'est une plateforme qui met en vedette le petit écureuil qui s'appelle Conker, qui fête son 21 ans dans un bar, puis que le lendemain matin, il se réveille. Nowhere. Il sait pas où est-ce qu'il est rendu. Il a une estime mal de tête. Puis il est sous comme ça se peut pas. Puis il faut qu'il se promène. Et lui, il va retourner chez lui, puis il va se promener dans le monde de Conker, qui est un monde fucky ben solide. Vraiment. Qu'est-ce que du début, quand vous avez joué à ce jeu-là, c'est quoi votre impression quand vous allez jouer à ça? Vous dites, ça va être un bon platformer ou bien ça va être juste là parce qu'ils disent tit shit and tout? Ben, moi, personnellement, quand le jeu est sorti, j'étais très jeune. T'sais, moi, je suis quand même le bébé de la gang. Fait que j'ai dû attendre quelques années avant de pouvoir jouer au jeu. J'avais peut-être genre, j'avais 17 ans ou 16 ans quand j'ai commencé à jouer. Puis je savais que c'était un jeu qui s'annonçait assez épiquement violent et... mais pas violent, mais très vulgaire. Mais j'ai trouvé ça drôle, c'est tellement niaiseux. On joue à ça pour ça, là. J'ai pas des surprises, vraiment. Là. Ça fait penser à Power Farm, mais avec un écureuil. Ouais. Antithèse, t'avais une révélation à dire sur YouTube? C'est parce que j'ai juste joué à Conquer Bad Fur Day pour pas plus que malheureusement 2 minutes. Quoi? C'est quoi? Fucking job. Ben c'est correct, Sylvain il a pas joué de point. Oh! Non. Moi j'ai joué quand j'étais jeune. C'est ça qui arrive quand tu joues au jeu puis que t'as un piqueur, en fait d'une panne de courant. Okay. Puis quand la panne est revenue, t'as pas vu l'idée de recommencer à jouer? 2 jours plus tard, la panne est revenue. Ah. Ah. Bon. Ouais. Ça veut-tu dire qu'il va falloir que je te voie chez nous puis tu viennes embarquer sur mon 64, ça, là? Peut-être. Ce serait à discuter. Je pense que c'est négociable. Tant que tu charges pas trop, là, ça, peut-être. Là. Moi, on va te charger quelque chose. Tu vas voir. Shit. Les détails, on veut pas les savoir en ligne. Ouais, non. Ben, merci. C'est quand même... Non, mais faut dire une chose. Le jeu, à Star, vaut très cher. Oui. Ah oui. Ouais. Vraiment? Il est très cher. Personne ne s'en est parti. Non, moi non plus. Regardez, j'ai ma copie chez nous, puis elle sort pas de chez nous. Non, moi non plus. Ouais. Regardez, par exemple, je vais voir sur le site... Hein? Parce que je viens de voir la cassette de Tanuka. Ok, ok. Voyez-vous, en ce moment, je suis sur le site luckygames.com, puis la cassette tout seule se vend 86. Quoi? Ouais, je l'ai acheté à 40 en 2017, je pense. Je l'ai acheté 30 pièces en 2001. Ah bah. Et 2001, c'est l'année que ça sort. C'est même moins pire que 80, 40. Mm. Puis je pense, le pire, c'est que si je fouille mes boîtes, je pense avoir encore la boîte. Oh! Watch out. Comment, si tu fouilles, t'es-tu en train de me dire que ta boîte de Conker's Bad Fur Day est peut-être enterrée en dessous d'un millier de cochonneries puis que tu le sais même pas? Mais peut-être qu'elle est dépliée, puis qu'à force d'avoir été compressée, elle a une belle forme toute plate, puis quand il va l'ouvrir, elle va tout être parfaite. Je sais pas, mais c'est parce que dans le temps, j'avais acheté la version boîte, mais j'ai comme revendu, puis je pense avoir juste vendu la cassette. J'ai vendu la cassette? J'ai vendu la première fois ma cassette. Oh! J'avais acheté le jeu neuf, j'ai revendu, puis là je l'ai racheté usagé. Quelle erreur. Ouais, c'est. Mais c'est parce que, faut le dire, à l'époque, moi c'est ce que je dis, à cette heure je vends plus de jeux points. Mes non. jeux restent tous chez nous. J'ai fait la gaffe, étant jeune, de vendre tout le temps tous les jeux que j'avais. Puis ça a fait en sorte que ça posait beaucoup. T'sais, j'ai perdu beaucoup de très bons jeux que j'aurais voulu rejouer. Okay. Puis j'ai t'es plus là, la chance. T'es dans là, pis t'es dans là, fuck, je vais jouer, qu'est-ce que je fais? Enfin, je viens de me racheter. Fait que tu sais. Quand tu manges en dedans, c'est ça qui est plate. Fait que tu sais, c'était vraiment comme. Vraiment chien, là. J'ai vraiment vendu des pièces de collection comme les Diablo. Ma Diablo pour PlayStation 1, j'ai vendu. Warcraft 2, j'ai vendu 10 Gaïa, 9. J'ai fait des conneries. Pas 10 Gaïa! Ouais. J'ai fait beaucoup de gaffe. Alpha, toi? Ben moi, j'ai pas joué vraiment fond en comble au jeu, mais je sais que quand j'étais jeune, c'était, je crois, en 2002, 2003, la première fois que j'ai joué. Puis nous autres, on le savait là, que c'était un jeu de. Avec des shit pis des affaires de main. Puis on, dans le fond, on jouait juste pour ça. On trouvait ça drôle pis ça nous faisait bien rire. Parce qu'à côté, tu sais, si on voulait jouer un bon jeu de plateforme ou un bon jeu de course, ben on avait Mario World pis Mario 64, c'est-à-dire, pis Mario Kart. Fait que dans le fond, on avait des bons jeux, là. Fait qu'on jouait de temps en temps à Bad Fur Day juste pour entendre des mauvais mots pis on était des petits coquins. Tu comprends? Oh ben, tabarouette. Moi, je louais tout le temps. Par exemple, j'ai jamais possédé le jeu, mais je louais tout le temps quand j'avais 9 ans à peu près. Puis je savais, je voyais la boîte, il était marqué mature. Puis dans le temps, ils commençaient à vérifier les vendeuses ou les vendeurs du Doudron. Puis là, si t'avais comme pas 18 ans, ils te laissaient pas certains jeux ou certains films. Mm. Fait que là, tu sais, ils voyaient l'écureuil, ils étaient tout gentils, fait qu'ils laissaient. Mais sinon, moi j'adorais, parce que c'était tellement plein de niaiseries. Puis je me souviens, le niveau dans le bar où ce que tu dois te saouler puis pisser sur les bonhommes qui se mettent en boule quand tu leur pisses dessus. C'était assez drôle, je le faisais tout le temps. Celui-là. Oui, il était vraiment drôle celui-là. Là. Mm. Si vous arrivez dans ce tableau, ça, puis pour passer le tableau, faut que vous, comme vous tassiez deux bonhommes de roche dans le coin de la meule. Puis le moyen de le faire, c'est d'aller vers une grosse tank à bière, vous saouler, et après ça, vous prenez, vous êtes toutes comme... Tu vomir dessus? Non, faut vraiment... Non, tu pisses c'est pas dessus. Celle-là. Ah, faut que tu pisses dessus. Tu pisses dessus, puis le bonhomme, il se met en boule. Là, tu pousses avec ta pisse pour l'envoyer vers le mur. C'est tellement con. C'est juste histoire vraiment stupide, tu sais, mais l'affaire que la panthère là, voit, genre, elle veut prendre Conker pour faire une patte de table. Sinon, c'est ça l'histoire. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est con! J'adore! C'est tellement con que c'en est hot. C'est ça! Voyons donc! Tu sais qu'on cherchait cette idée-là. En tout cas. Ben, le jeu, il était simple aussi, il faut dire ça. Ah ouais. C'est platformer simple, oui. C'est platformer simple, puis la solution se présentait devant toi. C'est juste l'ambiance qui est vraiment drôle. Tu joues pour l'ambiance, là. Oui. Il est fun aussi. Et avec, ouais. Le bout que vous avez, que vous vous souvenez plus du jeu, c'est quoi? Je vais y aller avec la Telka pour commencer. Ok, ouais. Ben moi, c'est le bout. Il me semble qu'il y a l'affaire avec une fleur et une abeille qu'il faut qu'ils baisent ensemble. Là. C'est comme tellement. Ils font des bébés. Donc, ouais. Ça m'a marqué là, dans ces cons. Là. Ouais, pour pouvoir sauter ses seins de la fleur. Mm-hmm. Parce qu'elle a une le bout où est-ce que la blonde de Conqueror elle meurt, me semble. Là. C'est comme tellement. Non, elle est morte. Dramatique, mais. Ça change rien quasiment à l'histoire, tu sais. C'est ça, franchement. On s'en fout carrément. antithèse? Ah non, t'as pas bien joué. Pas bien joué, mais je peux te dire que le bout qui m'a fait le plus marrer quand même, c'est quand que le jeu gèle, et les développeurs te donnent un katana, puis tu t'en vas quasiment vers la fin du jeu. C'est niaiseux, mais en même temps, c'était bad. C'est eux? Moi, comme j'ai dit, le truc du bar, sinon le Great Mighty Pooh, pas mal mémorable. Puis j'aimais bien, il y avait un niveau, on était transformé en chauve-souris à cause d'un Dracula, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, il fallait aller lui porter des personnes vivantes dans une sorte de broyeur pour le nourrir de sang. Puis après, il devenait trop plein que lui-même tombait dans le broyeur, puis il mourait. C'est tellement stupide. Alpha? Écoute, j'ai pas grand souvenir à part qu'on part le jeu, on joue un peu, puis on lui fait dire des niaiseries. Ça se résume à ça. J'ai pas énormément à jouer. Moi, je dirais, il y a deux bouts pour moi. Le premier, je vous dirais que c'est celui où est-ce que. La vache. La vache, t'as dit? Ouais, la vache, il faut que tu t'arranges, genre, pour la faire chier dans un tuyau. Ah, oui. Oui. Ouais. C'était un boss, quelque chose comme ça? Ouais, c'est une sorte de... Mais c'est pas un boss, c'est comme... Pour débarrer la porte, faut qu'il y ait un niveau de merde assez élevé. Fait que faut que tu nourrisses la vache de... Non, faut que tu lui fasses boire du jus de pruneau. Puis là, elle sent mal, elle s'en va aux toilettes, puis ça chie. Puis faut que tu lui fasses 3-4 fois, c'est comme... N'importe quoi. Appétissant. Puis l'autre bout, la matrice. Où est-ce qu'il niaise la matrice? Ouais, c'était cool ça. Il a fait à peine de sortir, puis on fait ce tableau-là. Oui, Tamika? Je sais pas si vous avez vu, mais le film de L'Orange Mécanique. Ouais. Oui. Ouais, le début du jeu, mais avec le verre de lait, là, ça parodie L'Orange Mécanique. Là. Ouais. C'est vraiment génial. Nice. Les parodies que vous avez. Mais c'est un jeu parodique, faut s'entendre. Ben ouais. Il y en a de la joke, là. Moi, par exemple, ils ont fait Saving Private Ryan. Mm. Ils refont la scène de la guerre de Normandie, sauf que tu vois, c'est un écureuil qui cherche son bras, puis vraiment, genre, il mange une balle en arrière de la tête, puis tombe, là. Niaise Terminator. Non, ouais. Terminator 2. Aliens, niaise la matrice, niaise. Il y a des tonnes de films qui niaisent dans ce jeu-là, là. Puis on voit que les concepteurs, ils adoraient, ils étaient vraiment friands de la culture populaire, là. Oui, c'est vrai, Retro Game Throwdown dit Greg the Grim Reaper. Ouais, le petit, la mort... La mort qui déteste les chats parce qu'il a 9 vies. Il déteste les chats parce qu'il a 9 vies. T'as fait faire trop de job. C'était n'importe quoi. Selon vous, là, si ce jeu-là se présenterait en ce moment, là, en 2013, est-ce que ça serait encore accepté? Donc, écoute, on n'a pas des ISBR pour rien. Probablement que ça serait accepté. Ben ouais, alors, oui. Ça serait encore 17 ans et plus. Hein. J'espère. Hey, si GTA passe, là, ça passe. Non, c'est ça, c'est clair que ça passe. Là. C'est quand même moins pire que GTA, je trouve. Là. C'est plus une joke. GTA, c'est comme sérieux. Là. Ça, c'est une joke. Là. Mais c'est un peu niaiseux qu'ils ont fait le remake censuré à la Xbox, par contre. Ah, ouais, ils l'ont censuré. Ouais. Ils avaient censuré pas mal de trucs. Il faudrait que un jeu de main, ce soit fait par un indie. Ouais, j'avoue. Surtout que c'est le dernier. Moi, là, je check là, dans la liste de Rare, puis je pense que c'est le dernier bon jeu qu'ils ont fait. Moi, je considère que Star Fox Adventure, il est pas bon, là. Ouais, ça, c'est plus genre. Pas un Zelda Light, là, mais. Ouais. Relativement Zelda Light. Mais... C'était même pas supposé être un Star Fox en plus, là. Non, ça, c'était. C'est de. Tiens, c'est quoi déjà? Dinosaur Planet, je pense. Ouais. Au début. C'était l'héroïne. La renard bleue qui était censée être l'héroïne du jeu. Ouais, Cristal. Cristal qui se ramasse à être une pute à la princesse Léa. Là. Ouf! Non, on a mis Star Fox juste pour faire vendre le jeu. C'est un peu stupide. Star Fox à Soul, c'était terrible ce jeu-là. Tellement mauvais. Là. Mais les passes de vaisseau, c'était pas mal, mais tu sais, quand t'étais à pied, c'était un bordel tellement mauvais, j'en revenais pas. Mais moi, je trouve que c'était pas si pire que ça, mais je suis juste que je vois pas l'intérêt d'avoir mis Star Fox là-dedans. Avec les guns, là, non, c'était vraiment pas bien. Fait que tu défends les vaisseaux dans les airs, puis quand t'étais au sol, tu sais, c'est fatigant. C'était vraiment pas le... Asso, j'ai comme joué peut-être 20 minutes, puis j'ai comme arrêté, j'ai comme non. C'est pas mon Star Fox que j'aime. Fait que, selon vous, là, ce dernier Conker, c'est-tu le dernier bon jeu de Rare qu'ils ont fait? C'est vraiment le dernier qu'ils ont fait au 64? Ou c'est Banjo 2? Je pense que c'est le dernier Conker. C'est 2001. 2001, hein, c'est vraiment sur la fin. Je regardais. Mon Dieu, tout oui, il me semble qu'il est sorti après, non? Ça se peut. Ah non, il est sorti avant. Non, j'ai rien dit. Ok. Non, c'est vraiment Conker. Mm-hmm. Ouais, Conker, je vais jouer au direct. Effectivement. C'est dommage, hein. Star, on regarde qu'est-ce qui est devenu Rare, là, pis c'est comme. Ça n'a pas rapport. C'est plus Rare, c'est Microsoft qui l'a acheté juste pour qu'ils se ferment la gueule et qu'ils aillent les droits sur leur jeu, mais genre, ça existe. Ils sont des jeux de merde. Banjo, Nuts and Bolts. Ouais. Perfect Dark Zero. Ouf. Le Perfect Dark qui était sorti sur le Xbox, là, le premier. Là. Xbox One, Xbox 360. Là. C'était un jeu de lancement, là. Il était mauvais. Là. Y a-t-il quelqu'un qui joue à Nuts and Bolts? Banjo? Nuts and Bolts? Non. Ah, c'est bon. La suite de Banjo, ça? Ben, suite, c'est avec des véhicules bizarres, là, pis... Ok. Parce qu'il me semble qu'il y en avait sorti un de Banjo, pis Banjo était vraiment laid, là. Ça doit être Il est vraiment moffé. Opinion personnelle. Ouais. Fait que là-dessus, ce serait-tu un jeu que vous allez recommander? Oui. C'est un dépend qui. Ouais, le parti. Honnêtement, oui, c'est cool. Écoutez, si on veut, je pense qu'en quelque part, on peut dire que Conker, c'est le parfait jeu pour. Le parfait jeu échappatoire. Donc, tu n'as plus vraiment penser à rien, là. Conker Bad Fur Day. C'est tellement dommage que. Ils n'en ressortiront pas d'autres, là. Selon moi, là, Microsoft, ils n'en sortiront pas un autre. Pis ils n'ont plus la même équipe non plus. Ils n'ont plus la même équipe de développeurs pour pouvoir l'acheter non plus. Tous les originaux de Rare sont tous partis de l'autre. C'est clair. Fait que, là-dessus, on va aller voir notre gang qui est en ce moment sur YouTube, voir qu'est-ce qu'ils jasent en ce moment. Ben, ça, ils parlent. qui aime bien Banjo et Kazooie. Moi, j'ai un aveu à vous faire. Banjo-Kazooie, j'ai jamais joué au complet. Moi non plus. Non, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ce jeu-là que il m'accroche pas. Je traite pas. Moi, c'était, j'aimais ça, mais ce que j'aimais pas, c'était tout le temps comme... T'sais, ok, là, il faut que tu ramasses les notes. Là, il faut que tu recommences parce que t'es mort ramasser toutes les notes dans le tableau. Ça, ça m'énervait, les maudits. Il y a beaucoup de ramassage de cossins dans Banjo. Beaucoup de ramassage de cossins un peu trop intense. Des cossins, en tout cas. En passant, Dr. Painkiller dit que Star Fox Adventure était épique. T'as le droit! Juste pas aimer ça. Tout le monde a le droit d'aimer n'importe quel jeu. Ah ouais, tout à fait. Moi, c'est juste que j'aime pas. C'est mon opinion. Névrose dit... C'est quand même pas le plus pire des jeux. Névrose dit que c'est quand même pas le plus pire des jeux. Le pire des jeux... Non, mais Star. Merci à CE, j'y ai joué l'année passée. Pour l'échange de cadeaux. Le fucking E.T. Parlant de l'échange des cadeaux l'année passée, Giger, faut encore que tu parles de mon cadeau, Asti. Fin de la parenthèse. On attend ça, tu sais. À un moment donné, là. Quoi? Qu'est-ce que tu perds? Ben là, je suis comme Jug, là. Je veux voir la marionnette parler du cadeau, de son cadeau, tu sais. À un moment donné, là. On va bientôt faire un an, là. Ouais, j'avoue que j'aimerais ça. Retro Game Throwdown dit, savez-vous quoi? J'ai adoré Quest 64. Ça, j'ai jamais joué à Quest 64. C'est rare que quelqu'un aime ce jeu-là. C'est fait parce que tu fais rien, ça? Non. Pourquoi qu'on parle de Quest 64? Je sais pas. Ben, il voulait dire que... Je le sais pas. C'est pas un super jeu. Je ris de Moonwolf dit, je ris de Conker, le jeu était un jeu pour enfants sur Game Boy Color avant, puis c'est un méchant changement pour Conker en 64. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait même son apparition dans Diddy Kong, et Conker, il était un des personnages jouables de Diddy Kong Racing. C'est vrai. Il est tout cute. Un petit écureuil mignon, il est fond. Castor boit de la bière, et tue des bonhommes, Fume un cigare, un bon cigare, c'est badass. Vomis partout. Pisse partout. Ah. Et qu'il y a des flatteurs pour nager. Oui, c'est vrai. Il y avait des petits flatteurs. Faut que tu trouves genre son power-up, genre pour qu'il y ait des petits flatteurs. Ah, mais c'est utile, des flatteurs. PL, est-ce que tu as encore des flatteurs? Non, je m'en suis séparé. Ok. Là, 20 ans. Ah, et puis, d'accord. Juste 20 ans? Non, plus que 20 ans. Ça fait que c'est ça, de ce mon côté, de ce qui est de ce YouTube, j'ai pas mal fait le tour, je crois. Oui. Ah, d'ailleurs, Conker était édité en Europe par THQ parce que Nintendo ne savait pas que c'était un jeu mature avec autant de contenu mature. Selon Névrose. Hein? C'est vrai. Nintendo était chicken pour la version Europe. Eh ben. Ouais, mais Europe, ils sont malades, là. Je veux dire, le jeu de Resident Evil, là, le sang, il est vert. Ouais. Ou c'est-tu juste en Angleterre, ça? En tout cas, je sais qu'il y a une place en Europe, pense en l'Allemagne ou je sais pas quoi, là. Ouais. Resident Evil, genre, faut que le sang soit vert. Toutes ces affaires de zombies, le sang est vert ou je sais pas quoi, là. Ben, déjà, moi, je sais qu'en tout cas qu'en Australie, ils balisent les jeux dès que c'est trop violent à leur goût, là. Les autres, ils mettent le ban automatique, là. Non, on s'entraîne là-dessus, effectivement. Ben, comme le Manhunt, ça tombe automatiquement banni. Prends tout. Hmm? T'as pas passé, mais pas en doute. Mais non. Mais non. T'arrives en arrière et tu tues quelqu'un avec un sac de plastique. Fait que c'est ça. Quel est ce bruit? Excusez-moi pour ce soir. Hein. On a eu quelques problèmes de. En tout cas, sur le chat, ce qui a ralenti beaucoup le rythme du podcast. Merci à tout le monde qui était présent ce soir. Là-dessus, on va aller voir Antithèse. Comment on peut te rejoindre sur les internets? La façon de me rejoindre sur Internet demeure le courriel par antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. Sur Twitter, vous pouvez me suivre sur mes commentaires satiriques comme le plus récent. Tu sais que je commente que comme quoi que les chauffeurs d'autobus de la STM se prennent pour des chauffeurs de Formule 1 sur antithèse 16, donc S-A-Y à la fin. Ah, et j'ai menti en passant, je m'en excuse. La meilleure façon de me rejoindre est sur le forum des accros des jeux. C'est comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur mon Twitter ReviewRCE, ma page Facebook ReviewRCE aussi, j'accepte les demandes d'amis sur cette page-ci, sur accrodesjeux.com quand je viens faire un tour, sur mon email ReviewRCE@commercial.com. Et je peux vous dire, je suis en streak de 2 pour le podcast. Je vise le 3. Oh! Je vise le 3. La M203, c'est... pense-y. Alors, je demande aux fans de Review RCE de l'agacer cette semaine pour qu'ils reviennent mardi prochain. Yes. C'est un objectif personnel, le 3. Là. Tanuka, comment on peut te rejoindre sur les internets? Oui, ben moi, on peut me rejoindre sur le forum des accros et ainsi que sur mon Facebook de Tanuka. Jug, de ton côté? Tu peux me rejoindre à partir de mon channel YouTube, sur Facebook, puis à partir, bien sûr, du forum d'accrodesjeux.com. Puis, bon, une petite news, j'ai une vidéo qui s'en vient bientôt. Yay! On a d'avoir ça. Alpha, de ton côté? C'est comme vous voulez. Je suis sur Facebook, YouTube, Twitter. Vous avez juste à taper Testeur Alpha. En principe, vous allez réussir à me trouver. Sinon, évidemment, je fais mon tour quotidiennement sur le site des accros des jeux. Donc, ça reste la meilleure des façons pour communiquer avec moi. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous avez le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accros des jeux. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercial accros des jeux. Il y a également plusieurs autres façons. Il y a le forum des accros et le courriel accrosdesjeux@commercial.com. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye. Wow. En passant, on va rester pour la Bad luck de la mort. On a de l'espoir. Non. Et ça, c'est de la bad luck, mon chum. On va rester pour... Il est pas encore là. On est plus live. C'est lui qui accroche son bouton ou il se fait kicker par... par lui-même, non? Il se kick out. Il saute au kick. Oh. Non, t'es système qui m'a crissé dehors automatique. Non, excusez la gang, je sais que vous voulez avoir un podcast plus long. On va rester avec vous autres parce que on a envie de jaser avec vous autres. Puis, écoutez, côté nouvelles, je suis pensé avoir un petit peu plus de nouvelles ce soir, mais on n'avait pas grand-chose. Fait que ça vous tente de... C'est calme ces temps-ci. C'est calme. Ben,